Pero digital lo que digamos el bon. Boom, a calibre tout kilo, a nia bon cric. Monte des sons sans jamais senti fatigue. Ma et mes femmes coulent chocolat Nesquik. Hippé naturel quand hippé mette les sweet. Manzel bon, manzel kassam Nesli. En tout coco, man kafou metli. Il sa vie bon, gade go se fesli. Si il t'a mandé, man yan kabaili. Manzel bon, manzel kassam Nesli. En tout coco, man kafou metli. Il sa vie bon, gade go se fesli. Si il t'a mandé, man yan kabaili. Gade go man yan manzel bon konesli. Allez, où tes fesses, femme, pépa Tesli. Il m'y a un gros dodan, tout ce que j'apprécie. C'est beau tout ce que je vois, baby, merci. Il bonne de haut et bas. Ce genre de festin là, qu'a fait gros dégâts. Allez, c'est jaloux, qu'a fait gros débat. Il mettait jamais un vieux, il n'y a qu'un écart. Manzel bonne, manzel kassam Nesli. En tout coco, man kafou metli. Il sa vie bonne, gade gros ses fesses li. Si il t'a mandé, man yan kabaili. Manzel bonne, manzel kassam Nesli. En tout coco, man kafou metli. Il sa vie bonne, gade gros ses fesses li. Si il t'a mandé, man yan kabaili. Ma ka levé tout kilo, man yan bon cric. Monte des sons sans jamais senti fatigue. Ma et mes femmes coulent chocolat Nesquik. Hippé naturel quand hippé mette les sweet. Fini pour me montrer qui sa mani a de slip. Ou sav sa de ou sa red combi. Sou fatigué la si men nou ka faya de wik. Baki top gal, man ka rushe les sweet. Manzel bon, manzel kassam Nesli. En tout coco, man ka fou metli. Il sa vie bon, gade gros se fesli. Si il t'a mandé, man yan ka baili. Manzel bon, manzel kassam Nesli. En tout coco, man ka fou metli. Il sa vie bon, gade gros se fesli. Si il t'a mandé, man yan ka baili. Mouet d'accord.